es élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Ta parole déclare, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Sois béni encore ce soir. Nous te disons merci, Seigneur. Sois béni. Est-ce qu'on peut nous chanter, Père, nous proclamons, manifeste ta présence. Père, nous te proclamons ce soir, manifeste ta présence. En ce moment, tu peux continuer à élever ce grand Dieu par tes propres mots. Élève-le parce qu'il est digne de louange. Il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui veille sur toi. Il est celui qui a permis encore ce soir. Nous te proclamons le Dieu tout-puissant, couronné de majesté. Nous sommes venus vers toi, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, fais-nous du bien, Seigneur, et pour ta gloire. Seigneur, que le ciel reste ouvert. Que ta parole transforme nos vies. Seigneur, lorsque tu feras, je promets de te retourner toute la gloire. Parce que tu mérites, Seigneur. Manifeste ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi du roi? Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? C'est depuis dimanche. Est-ce qu'on peut... Merci. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on Amen. Se communique la joie? C'est vraiment une grâce d'être encore dans sa présence. Beaucoup ont désiré être avec nous, indépendamment de leur propre volonté. Ils ne sont pas avec nous. Mais nous, Dieu nous a fait ce privilège d'être dans sa présence. Et nous bénissons la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous ne cesserons pas de rendre grâce et élever notre Dieu pour cette opportunité qui ne cesse de nous donner pour être dans sa présence. Nous disons merci à notre papa. C'est ma santé, papa. Je le dis toujours que c'est un privilège et aussi une grande responsabilité. Partout où il est, nous disons de tout notre cœur, merci, merci. Nous disons aussi merci à notre maman. Là où elle est, nous disons aussi merci. Nous disons merci aux anciens ainsi qu'aux diacres. Et ainsi qu'à toute l'église. Votre présence nous bénit. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous lisons dans Juges 6, le verset 14. Qui est notre thème de l'année. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Le dimanche, notre papa nous a parlé de n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il nous a parlé qu'il y a Dieu qui envoie. Il y a l'homme qui envoie. Il y a aussi le diable qui envoie. Et nous allons toujours continuer sur cette même vision. Et ce soir, nous allons parler de la mission de Dieu ou la mission divine. Parce que quand Dieu dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça sous-entend que c'est Dieu qui donne une mission à Gédéon. Et la mission divine, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions. Et aujourd'hui, en parlant de la mission divine, nous avons quatre petits points que nous allons développer ce soir. Nous allons donner quelques informations. Et nous allons donner quelques éléments importants ou les faits importants sur la mission divine. Et nous allons aussi donner les bénéfices de la mission. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous avons dit que la mission, qu'est-ce que la mission divine? En lisant notre thème de l'année ou l'histoire de Gédéon, Dieu est venu vers Gédéon. Et en allant vers Gédéon, Gédéon avait un problème avec tout son peuple. Et Dieu est venu dire à Gédéon, lève-toi, va avec la force que tu as. C'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël de la main des Madians. Cela sous-entend que Gédéon avait un problème. Et tout le peuple d'Israël était dans une situation très difficile. Et la mission que Gédéon avait, c'était de délivrer le peuple d'Israël. Et cette mission, quelle est la définition ou qu'est-ce que nous pouvons dire de la mission divine? La mission divine est une solution à un problème. Chaque fois que vous aurez un problème, Dieu cherchera toujours quelqu'un qui peut envoyer pour pouvoir pouvoir résoudre ce problème. Et le problème que le peuple d'Israël avait au temps de Gédéon, ce peuple était assiégé. Et ils étaient dans une très grande souffrance. Et en étant dans cette souffrance, Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait résoudre ce problème. Et en trouvant quelqu'un, Dieu a trouvé Gédéon. Et lorsque Dieu a trouvé Gédéon, Dieu l'a envoyé pour pouvoir résoudre ce problème. Et c'est pourquoi nous disons que la mission divine, c'est résoudre un problème donné que vous avez ou un problème qui peut se retrouver dans le monde. Chaque fois qu'il y aura un problème, Dieu ne cherchera pas la foule. Dieu cherche toujours une personne. Et quand Dieu trouve une personne, Dieu l'envoie pour pouvoir résoudre ce problème. Nous allons donner quelques informations concernant la personne que Dieu envoie. Chaque fois que Dieu envoie quelqu'un ou l'envoyé de Dieu, on dit toujours que celui que Dieu envoie, il envoie pour quelque chose. Chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, c'est pour quelque chose. Et on sous-entend que chaque fois que Dieu envoie toujours pour un objectif bien défini. Et cet objectif-là, c'est ce que nous appelons la mission de Dieu qui doit être accomplie. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons dans Ésaïe 61, le verset 1, la parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour faire quelque chose. Soma katika kitabu ya Isaya, roho ya Bwana ni juu yangu, nilipaka mafuta juu ya kufanya kazi moja fulani. Et si nous lisons aussi dans Josué, le verset 1, dans kitabu ya Yoshua tena, mstari wa kwanza, Josué 1, est-ce qu'on peut nous mettre Josué 1, 2? La parole de Dieu dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Dieu, quand il envoie, il précise toujours. C'est-à-dire, il a une mission, un objectif pour lequel il vous envoie. Deuxième point, Dieu se révèle toujours avant d'envoyer une personne. Amen. Chaque fois que Dieu veut envoyer quelqu'un ou l'envoyer de Dieu, Dieu se révèle toujours avant d'envoyer une personne. C'est pourquoi quand nous lisons dans Exode, Dieu dit à Moïse que je suis l'Éternel qui t'envoie. Et dans Juge, quand nous lisons dans Juge, pour Gédéon, Dieu s'est révélé comme un Dieu. Il dit, l'Éternel dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit l'autel en disant que l'Éternel m'a payé. Amen. Amen. Chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, Dieu se révèle toujours. Troisième point, et quand Dieu envoie quelqu'un, il envoie toujours avec un message bien spécifique. Dieu dit que je t'envoie pour délivrer le peuple. Et le second point, lorsque Dieu envoie ou l'envoyé de Dieu, Dieu l'équipe toujours quand il envoie. C'est-à-dire Dieu l'équipe ou Dieu, c'est, nous pouvons parler de la couverture de Dieu. Chaque fois que Dieu envoie quelqu'un ou l'envoyé de Dieu, Dieu l'équipe toujours pour la mission. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi Dieu dit à Josué, je serai avec toi. C'est signifie, c'est la couverture de Dieu. Quels sont les éléments importants pour une mission? Lorsque Dieu envoie quelqu'un en mission, Dieu se focalise sur la personne et la mission sur laquelle Dieu lui donne. Dieu se focalise sur la personne que Dieu envoie. Le verset que nous avons lu dans Juges.